France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le documentaire que vous allez entendre, proposé par Yves Laplume pour le magazine L'Échappée Belle, a été tourné à La Havane, 26 années après que le dictateur Batista a fui la ville, le 1er janvier 1959, et 20 ans avant la levée de l'embargo américain sur le pays. L'histoire de Cuba apparaît certes en creux dans le récit qu'en font les Havanais croisés au cours de ce reportage, mais c'est surtout de musique, de gastronomie, de littérature ou encore d'alcool dont il sera question ici, et d'un cyclone, le cyclone Kate, qui surprit l'équipe lors du tournage de cette émission réalisée par Eliane Millot et diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 novembre 1985. La Havane, pour moi, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est ma maîtresse, c'est ma fille, c'est ma sœur. Elle est toute pour moi. El frente del cuartel Moncada, pero ya no es un cuartel. Ahí hay un centro escolar, ¿eh? Hay un centro escolar. Ahí vienen los niños. ¿A qué vienen los niños? A estudiar. Vienen a estudiar. Van a estudiar ahí y después van a ser médicos, van a ser ingenieros. Ya no radica ahí los malos. Ya los malos se fueron. ¿Quién hizo que los malos se fueran? ¿Quién atacó el cuartel? Fidel Castro. Uno, dos y tres. Cuando llego a mis hijos les partí, el cine con mano de amor, desde el día tenemos que decir, y una regla de educación, a mí tengo un chico amigo. Les arts verts aux yeux de Pierre Edo, c'est l'île de Cuba selon Nicolas Guillen. Nicolas Guillen que nous n'avons pu rencontrer lors de notre séjour la semaine dernière à Cuba en raison, paraît-il, d'une maladie assez grave. Par contre, ces ambiances, ces personnages, ceux de ces poèmes sont là, présents de Santiago en Oriente à La Havane, la capitale. Ces deux aïeux, le blanc, qui aura pour nom aujourd'hui Papa Gérard, qui nous servira de guide à La Havane, et le noir, Arcilio, que nous suivrons dans les rues de Santiago. La balade des deux aïeux de Nicolas Guillen, c'est donc L'Échappée Belle jusqu'à 17h sur France Culture. Un reportage d'Yves Laplume, Eliane Millot et Frédéric Jolide dans les Caraïbes, où vous pouvez nous rejoindre sans passer par l'international en composant simplement le numéro de téléphone du studio, le 16, le 1, le 45, 24, 19, 19. Santiago de Cuba, le 15 novembre dernier, il est 11h du matin, il fait chaud et humide, poisseux même. Le ciel d'un bleu profond charrie de gros nuages qui passent sans daigner rafraîchir l'atmosphère. Santiago, ville espagnole, andalouse, rose, ocre, baroque comme sa cathédrale fraîchement repeinte, bruyante de voitures, de musiques en tout genre, de jeunes et de vieux qui discutent dans les rues, et la place de la mairie, qui participe aussi au concert sonore. C'est là que nous retrouvons Arcilio Bonebravo, professeur de français à l'université. C'est lui le premier ancêtre de Nicolas Guillén, le Noir. En ce moment, on attend la discussion dans l'Assemblée municipale du pouvoir populaire. La mairie, quoi. Autrement dit, c'est la réunion de la mairie. De la mairie, le pouvoir, c'est ça, vraiment. Oui, et donc, on diffuse à l'extérieur pour que tout le monde entende ce qui se dit. Oui, c'est ça. Enfin, il y a quand même pas mal de gens, là, sur la place. Ah ouais. Qui écoutent ou... Bon, qui sont là? Alors, c'est le parc Céspedes. Ici, on s'assit, n'importe qui s'assit pour se reposer, pour n'importe quoi. Surtout les vieux s'assit ici. C'est pas l'endroit des jeunes ici. Les jeunes, ils vont au Copelia là-bas. Les jeunes vont au Copelia, mais ici, il y a des jeunes. Mais surtout, il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent ici parler, voir le journal, tout ça, notamment. Alors, on va quitter ce lieu parce qu'il est un peu bruyant. Où est-ce que vous nous emmenez alors là? C'est à la maison de la Trova, on dit. C'est que ça existe, les trouveurs, tout ça. Troubadour, ouais. Oui. La maison de la chanson. C'est quoi. La maison de la chanson, mais je veux dire, insister, Trova en espagnol. On y va. Alors là, nous sommes dans la rue Heredia, ouais. C'est là où se trouve la maison des étudiants, la maison de la Trova, la maison de José María de Heredia. C'est la bibliothèque. Oui, donc c'est une rue très culturelle. Très culturelle. Et c'est un endroit où vous venez souvent, là? Oui, moi je viens souvent, mais ça se passe il y a longtemps. Ouais. Moi, je me souviens toujours quand je venais ici à cette bibliothèque, à la section de la jeunesse. Et alors, on parcourait toute cette rue. Et pour moi, une signification très spéciale. Vraiment, ici, c'est curieux de voir. Il y a beaucoup de personnes dans cette rue-là. La rue principale ici à Santiago, c'est Ramada, ce sont tous les magasins, tout ça, ou la majorité des magasins, etc. Mais ici, à cette rue, et même par la particularité spéciale qu'il y a maintenant, c'est la rue culturelle, des activités culturelles. Alors, il y a beaucoup de monde toujours. Et vous aimez bien le monde, c'est ça? Pas le monde tel qu'il est. Sinon, un monde organisé, si on peut dire. Parce qu'on vient ici et chacun s'occupe de ces trucs qu'on dit populairement en France. Mm-hmm. Chacun s'occupe. Alors, j'aime boire de mojito, je bois mojito, je parle à propos de la Trova, je parle des problèmes, des choses, d'un livre, n'importe quoi. Alors, cette maison, cette rue, c'est prête à ça. Alors, c'est presque un forum. Quoi? C'est presque un forum. On vient discuter avec ses amis. Discuter, oui. Ça me souvient ce qu'on appelait dans le siècle passé, je ne sais pas comment dit-on ça en français, la tertulias. Hein? On parle de tout, et même il y a beaucoup de manifestations culturelles. Ici, il y a de l'opéra, on fait de l'opéra là. Là, il y a de la Trova, de la Trova. La chanson populaire. Mais la Trova est actuelle, où l'on parle de nos problèmes actuels. Mmh. musique déborde dans la rue de la maison des étudiants comme de la maison de la Trova. Nous quittons donc cet endroit tout rose, tout bleu et blanc. Nous passons sous les grandes banderoles qui annoncent les prochaines manifestations culturelles de la rue et nous entrons dans un lieu un peu magique, la maison de la Trova. Procedente de Francia, a los cuales vamos a recibirlo con fuerte aplauso en esta casa de la trova tradicional cubana. Bienvenidos todos aquí a este lugar, un poco extraño, pero sí muy acogedor, y más aún con el calor de ustedes y de todos los visitantes. Bueno, vamos a continuar la actividad de la mañana de hoy. Digo, si es que tienen algo más. Una rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio. En mi jardín, en calma, aún la llevo en el alma, como un rayo de sol. Aún la llevo en el alma, como un rayo de sol. Suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio. En mi jardín, en calma, aún la llevo en el alma, como un rayo de sol, como un rayo de sol. Con su pétalo blanco, es la rosa más linda. Voilà, beaucoup d'ambiance ici. Beaucoup d'ambiance, alors vous cherchez de l'ambiance. Alors vous nous avez emmené ici, c'est la maison de la Trova. Alors on va décrire le lieu un peu parce qu'il est tout à fait étonnant. Il y a beaucoup de gens qui passent là pour venir chercher du rhum et pour revenir. Alors il y a plein de photos au mur. Ouais. C'est quelles photos? Ce sont les photos de vieux trouveurs, si on dit en français comme ça. Je dirais en espagnol trovador. Des troubadours, des chanteurs. Des chanteurs, parce que vraiment, ici, ils se réunissent, ils chantent. Voilà, c'est une maison à peu près coloniale. Une maison à peu près coloniale. Mais tous les murs sont, ont comme tapis les photos. Des photos ou bien des dessins, parce que ceux qui étaient... Il y a des photos de plus de 100 ans. Ouais. Parce que ce sont des chanteurs. De toutes les générations, même là-bas, voilà, cette photo, c'est très significative. C'est notre commandant de la révolution, Almeida. Ouais, il aime la culture, la musique. C'est la musique populaire ici. Populaire, hein. Alors on retrouve traditionnelle. Effectivement, au-dessus de toutes ces photos de chanteurs, il y a quand même les grands hommes de la révolution qui sont là présents. Oui. C'est des murs en bois, hein, avec des cadres, des couleurs très, très... Il y a du rose, il y a du bleu. Oui, bon, c'est très, très spontané. Je veux vous dire, ce n'est pas une décoration, ce n'est pas sans décor. Ouais. C'est l'exposé, spontané du peuple. Sur les nids des oiseaux de Santiago, je dirais. Plus que la maison de la Trova. Oui, il y a ici plus que de chanteurs. Il y a le sentiment du peuple, il y a le sentiment, l'amour l'amour profond qu'on sent, la façon de exposer les problèmes de la vie. Alors, je dirais que venir ici à la Trova, pour moi personnellement, c'est une invitation à réfléchir. Et c'est une façon de trouver les sentiments. Parce que si viennent tout le monde qui veut venir... Et puis alors, il y a une fraternité manifestement ici. Bien sûr, voilà, une fraternité spontanée. Spontanée. Des vieux, des jeunes viennent, et même les étrangers finalement. Qui viennent, mais ce sont des amis. Et jamais il y a eu un problème. Jamais il y a eu un problème, c'est curieux ça. Parce que vraiment il y a des personnes qui ne se connaissent pas, alors on l'accueille, on vient, il boit. S'il veut chanter, alors tu sais jouer la guitare, alors tu joues, on chante. Tout le monde peut chanter ici? Oui, tout le monde, tout ce qu'ils veulent. Alors on vient ici, on dit bon, je vais dire quelque chose, alors tu sais, bon, quoique il y a des personnes qui sont habituellement... Et sinon, il faut aller voir le monsieur qui présente et... Bon, ce n'est pas une chose institutionnelle. Ah bon, non, c'est comme spontané. Ça. Ouais. C'est lui maintenant, peut-être demain, c'est une autre personne qui dit. Il y a beaucoup de personnes âgées, quand même. Il y en a un qui nous a montré qu'il était en photo, là, au-dessus. Là. Bien sûr, voilà. Ici, celui qui est là au bas, est ici. Ouais. Voilà. Il est très jeune dans une photo, mais ce sont des photos de gens. Oui, il a 90 ans, je crois, le monsieur avec les lunettes, là. Ah oui, alors, il y a toutes les générations. Il y avait une vieille dame aussi qui réclamait très fort une chanson, là. Il est fier. Oui. Il est fier de son âge. Sana la piel, ardorosa la voz. Joven es todo el que sea capaz de soñar y de hacer. Todo el que sienta el inquieto afán de vivir. Si el jardinero lo cuida con celo y amor, siempre tendrá nueva flor el añejo jardín. Joven ha de ser quien lo quiera ser, por su propia voluntad. Si en el corazón vibra la ilusión, nunca llegará. Retour dans la rue Heredia où naquit José María de Heredia. Et si l'on en croit le nombre de manifestations culturelles qui sont annoncées par les banderoles comme par les affiches, eh bien on a le choix de ces activités culturelles. Mais la présence dans ces lieux et en photo de Lénine, José Martí, Fidel Castro et bien d'autres montre qu'il s'agit bien là d'une des priorités des autorités politiques, comme nous le confirme à la Havane Carmen María Socias, qui travaille au ministère de la Culture. En toda la isla, nosotros tenemos en estos momentos la descentralización de la cultura. En toda la isla se dan manifestaciones culturales de diferentes... En ce moment, dans le pays, ce qu'on appelle la décentralisation de la culture. C'est-à-dire que dans toutes les provinces du pays, on a des différentes manifestations culturelles. Par exemple, on a à La Havane le samedi de la rumba. C'est une manifestation culturelle qu'on fait à la maison de l'ensemble folklorique national ou avec des caractéristiques assez particulières. Par exemple, il peut participer tous les gens qui vont voir le spectacle de différentes façons. Ce sont des manifestations culturelles qu'on a héritées de l'époque de la colonie, des esclaves, etc. Et c'est une manifestation si particulière en ce moment à Laval. En cada municipio se deben de tener 10 instituciones básicas, que ya casi todos los municipios la tienen. Esas instituciones básicas es un grupo dans de... Dans chaque municipalité, on doit avoir 10 installations culturelles. Par exemple, un groupe de théâtre, un groupe de danse, pour la danse, un musée, un magasin pour des effets artisanaux et des autres différentes manifestations. À Guantanamo, je vous parlerai si particulièrement parce qu'il existe là-bas une manifestation culturelle qu'on apprécie beaucoup, que c'est la tumba francesa. Et c'est la légitime tumba francesa. C'est un groupe d'esclaves d'Haïti qui sont venus à Cuba. Et ils restent encore, ils se sont déjà à peu près vers 92 ans. Et ils conservent ses habitudes, ses traditions, malgré qu'à Santiago de Cuba, ça existe aussi. Précisément à Santiago de Cuba, samedi à 20h30, nous sommes conviés à la fête du tambour. Une tumba francesa racontant en musique l'histoire d'une journée de fête dans une hacienda française au temps de la colonisation. Une fête que le maître, le patron, a accordée à ses esclaves, tous noirs venus d'Afrique via Haïti. Toutes les femmes, jeunes et vieilles, se sont habillées de couleurs vives, vert, jaune, un fichu noué autour de la tête, tandis que les hommes sont torse nus, un foulard de couleurs aussi, au travers du corps. Au rythme des tambours, toute la communauté se met à chanter et danse, bien sûr, à l'africaine. Une fête qui se déroule dans les jardins fleuris de la Maison des Caraïbes, un centre de recherche créé il y a 3 ans, où l'on étudie, comme à la Maison des Amériques à La Havane, les pratiques culturelles des Antilles. Argelies León, musicologue. La principale influence est de la partie la plus occidentale de l'Afrique, spécialement de la région Yoruba. Les Français l'appellent Nago, parce que Nago, c'est la caractéristique ethnique de la région la plus sud, la plus méridionale de la région Niger, de la région Yoruba. Nous avons aussi de la région Ebefon, de l'ancienne Dahomey, de l'ancienne République de Dahomey, aujourd'hui République de Bénin. Et nous le disons ici à Cuba, Arara. Arara, nous disons cet groupe Arara, parce qu'il y a un petit port au sud de Dahomey qui s'appelle Adra. Et les Espagnols disent et écrivent pas de Adra, c'est Arara. C'est pourquoi nous les appelons à cet groupe d'anciennes origines africaines, Arara. Et aussi, nous avons d'autres influences très importantes, que c'est de la région du Congo. Il y a des manifestations, aujourd'hui, des manifestations originelles de différents groupes religieux qui pratiquent cette musique. Oui. Avec les tampans, les tambours anciens, les tambours rituels, par exemple, les tambours qui s'appellent bata dans les groupes yoruba, et les autres tambours traditionnels, avec une reconstruction des rites religieux et de les croyances religieuses. Animistes, oui, mélangées avec quelques manifestations populaires, le syncrétisme, oui, le syncrétisme culturel avec le catholicisme. C'est une musique qui est pratiquée jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de lieux, de beaucoup d'endroits qui dont, avec des personnes qui sont des croyantes dans cette dans quelle région, par exemple? Près d'ici. Près d'ici? Oui, à Guanabacoa, par exemple. Connaissez-vous Guanabacoa? Connaissez-vous l'époque de la vanne? Le port, l'époque oui. de la vanne. Oui. L'autre côté. Du port de la Vanne. On porte une aile et puis on continue les portes de la Vanne. Vers le plage de l'Est. À la place de l'Est, il y a une population qui s'appelle Regla et une autre qui est à côté de Regla, Guanabacoa. Mm-hmm. C'est un mot indigène, Guanabacoa. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de maisons, de nègres, de mulattes, de mestis. Qui pratiquent cette musique. Cette musique. À la province de Matanzas, par exemple, il y a beaucoup de groupes. En Orienté aussi, parce qu'on est proche d'Haïti. Oui. À Orienté, il y a une influence qui est venue de l'Haïti, que nous l'appelons tumba francesa. Tumba, c'est un mot d'origine bantou, Congo, qui signifie agrupation, collectivité. Et l'autre nom de française, c'est pourquoi? C'est pour la venue de Haïti. Emploie différentes chansons, par exemple, les maçons, c'est un rythme qu'il y a aussi à Haïti aujourd'hui. Mm-hmm. Il n'y a rien à voir avec le vaudou, par exemple. Il y a vaudou, mais le vaudou, c'est plus récent. Le vaudou est venu ici dans ce siècle, à 1910-1914, jusqu'à 1919. Il faut dire que les Français et les Haïtiens sont encore dans cette région très présents. La preuve, Martha. Martha est d'origine haïtienne. Elle a appris à parler le français avec son père qui était médecin et qui a fait ses études à Paris. Elle nous a amenés à une trentaine de kilomètres de Santiago dans la montagne, à la Grande Piedra. La Grande Piedra d'où l'on domine les côtes des Caraïbes. Au milieu des pins, à 1000 mètres d'altitude, une grande maison se dresse dans la fraîcheur et dans les fougères. C'est une ancienne hacienda soutenue par de grandes arcades où se trouvaient les ateliers de ferronnerie et de menuiserie et entourée par d'immenses terrasses où l'on faisait sécher le café, une culture développée ici par les Français après la Révolution haïtienne, un produit médicinal auparavant. C'est une maison vraiment extraordinaire par sa construction. Si nous attendons et nous pensons que c'est une maison qui a été construite à 19e siècle. Quand les Françaises arrivent à Cuba, l'année 1808, se sentir après la révolution haïtienne, beaucoup de familles françaises sont arrivées à Cuba. Dans le moment que les Françaises arrivent à Cuba, le gouvernement espagnol ne permettait pas que les familles françaises habitaient à Santiago proprement, à la ville. C'est pour ça que toutes les familles françaises doivent remonter la côte et qui se sont installés autour de la ville. Les Français ont commencé le développement des cafés à notre pays. Mais c'est très intéressant, ne reste pas l'histoire, la façon de vivre de la famille française. Alors là, on est dans une maison précisément, si, qui est toute en bois. Et tout en bois, mais ce n'est pas une maison en bois à la façon de l'espagnol. La maison en bois à la façon de l'espagnol à Cuba, c'est une maison courante. Mais ici, nous pourrons voir que toute la voie est travaillée. Les plafonds et les planchers sont très travaillés. La façon de les vigues, les poutres, les fenêtres, elles font tout travailler. Avec des petits carreaux, là. Je crois qu'à le moment de construire la maison, tous les verres, oui, la fenêtre sont à couleur. Oui. En ce moment, c'est très intéressant que les Français importent sa culture. C'est pour ça que nous pourrons voir un piano, oui, et des meubles richement travaillés. À la maison courante espagnole, ce n'est pas, mettons, ce meuble. Mm-hmm. Parce que c'est un meuble très cher et très difficile de faire. Mm-hmm. C'est pour ça qu'en entrant d'étudier l'ébanisterie à Santiago de Cuba, nous pouvons comprendre que beaucoup des ébanistes on a été élèves des ébanistes français. Et presque tous les meubles que nous voyons beaucoup travailler, de 19 siècles, c'est un meuble qui a fait sous les magistères de l'ébaniste français. Il n'y a pas de patio ici, c'est-à-dire que tout la terrasse et le tour, oui, n'est pas au milieu de la maison. Autour. En fait. Mais c'est un par utilité, parce que les Français doivent voir, et autour de sa maison, il fait des terrasses pour voir ce champ et les esclaves commencent à travailler. Mm-hmm. Parce que les propriétaires français, c'est un propriétaire qui est très attentif, les cultifs. Et tout le travail qu'on se fait dans ces dans ces champs. C'est une petite baignoire. Mais dans tous les champs, ils mettent les petites baignoires parce que les Français se baignent. Mm-hmm. Et plus souvent, plus beaucoup, deux ou trois fois par jour. Quand ils se lèvent, quand ils sortent le champ, quand ils viennent du champ, mm-hmm, et les parfument. Là, quand même, elle est marrante cette petite baignoire parce que c'est un fauteuil en fait presque. Oui, c'est un petit fauteuil. Il s'assit et l'esclave mettre de l'eau, ouais. Parce que les Français ont apporté sa vie de la France, il a transporté sa façon de vivre de la France jusqu'à ici. Alors qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans la vie des Cubains de la région? Qu'est-ce qu'il y a de français chez vous par exemple? Alors, chez moi il y a beaucoup de choses françaises parce que ma famille était en descendant française. Il y a beaucoup de coutumes. Ma maison, c'est trop bien. Mm-hmm. Et, par exemple, le travail en bois, sont françaises. Les manger, les repas, nous. J'ai fait à la cuisine beaucoup de plats français. Poulet casserole. Ouais. Oui. Et dans la culture même, alors, dans la mentalité des Cubains d'Oriente. Il y a beaucoup de choses françaises. Par exemple. Les idées libérales. Vous avez écouté de me savoir que la révolution, notre toilette, à 68, 85, et après et 53, mmh. on a commencé par Glorian. Parce que nous avons la mentalité, les idées libérales, la révolte française. Je crois qu'à Santiago, on a vité pendant beaucoup d'années les idées de la révolution française. Que un día en sueños fuisteis de la patria mía, arrojad, arrojad sobre mi frente polvo de vuestros huesos carcomidos. Tocad mi corazón con vuestras manos. Cada uno ha de ser de mis gemidos, lágrima de uno más de los tiranos. Andad a mi redor, vagad en tanto que mi ser vuestro espíritu recibe. Existe el museo, ¿no? Que es historia reciente, una de las partes de nuestra historia más reciente, también la casi la granjita Siboney también es un museo. Cuba, también la casa la el museo que a la casa de la Moncada, la forma Siboney et à La Havane on trouve le musée d'histoire de la ville de La Havane, c'est un musée qui a toute l'histoire depuis le l'arrivée de Christophe Colomb et jusqu'à Nossan. Et aussi et le musée de la Révolution, l'histoire de la Révolution, qui se trouve aussi tout près de la vieille Havane, où se trouve aussi le mémorial Granma, où se trouve le libato Granma où a fait le débarquement Fidel Castro. Et une sorte de musée qui forme partie du ministère de la Culture. Si les portraits des révolutionnaires sont présents partout, dans la rue, dans les cafés, dans les écoles, ils le sont bien évidemment dans la plupart des musées de toutes ces villes. Et d'autant plus ici en Oriente, qui a été le théâtre des débuts de la révolution armée. Et l'on retrouvera parfois les mêmes documents dans le musée de la piraterie, par exemple, situé sur une hauteur et défendant la superbe baie de Santiago. On peut y apprendre comment français et anglais rançonnaient les bateaux espagnols, mais aussi comment Fidel Castro débarqua avec le Granma. On apprend également comment la CIA peut s'infiltrer parfois, de temps en temps, dans l'île. Autre exemple, la Granjita Siboney, une ancienne ferme transformée donc en musée, où l'on conserve précieusement les effets personnels, par exemple des révolutionnaires, des peignes, des clés, des pantalons tachés de sang et de boue. Des témoignages aussi de soutien des anciens et des nouveaux pays socialistes, des pays en lutte, comme on dit, selon l'expression consacrée. Et puis, surtout des impacts de balles conservés soigneusement depuis les combats de 1956. Ici, point de départ de la tentative malheureuse de prise du quartel Moncada, la deuxième caserne du pays transformée depuis en école et bien sûr en musée. Ces musées sont des lieux quasiment obligatoires de visite pour les touristes, mais aussi pour les enfants, comme ceux que nous avons surpris devant cette forteresse rose, les enfants de 3 à 4 ans habillés avec des petits shorts bleus et des chemises fleuries, les enfants très attentifs à ce que leur raconte leur maîtresse. Ingenieros, ya no radica ahí los malos, ya los malos se fueron. ¿Quién hizo que los malos se fueran? ¿Quién atacó el cuartel? Fidel Castro. Fidel Castro atacó el cuartel y él logró que los malos se fueran y que ahora vinieran los buenos. Y así como ustedes están ahora, qué contentos. ¿No se sienten contentos? Sí. ¿Por qué ustedes están contentos? ¿Porque tienen qué cosa? Porque se fueron los malos y tienen escuela, tienen, ¿qué más? Círculos, ¿qué más tienen? Lugares donde pasear, muy lindo, porque ya ahora nosotros venimos aquí a un lugar histórico. Esto es un lugar histórico. ¿Qué cosa es esto? Un lugar histórico. Un lugar histórico. Uno, dos y tres. Cuando llego a mis hijos les partí, se les sigue con manos de amor. Desde el día tenemos que decir, y una regla de educación. A mí tengo un chico y mis amigos, de la vencida. ¡Ay, qué lindo! Están contentos los compañeros con ustedes porque están muy bonitos, están muy lindos, están muy bonitos. Del amor estamos hablando. Por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va. Al mundo que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste, y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga Aujourd'hui, le Cuartel Moncada, comme les autres musées qui relatent la Révolution, sont bien calmes et climatisés. De la lutte, il reste quelques slogans sur les grands panneaux publicitaires et à la télévision, il faut apprendre à tirer et à bien tirer. Et la violence, eh bien, elle a disparu de la rue, sauf ce jour-là. C'était le 19 novembre dernier. La violence est venue du ciel sous le nom de Kate, un cyclone qui nous a surpris dans notre hôtel de La Havane, le Presidente, un superbe bâtiment rénové récemment aux couleurs rouge et jaune. Ce jour-là, il faisait bon de rester dans l'hôtel et dans la chambre et se mettre à l'écoute de la radio. À peu près quelle heure? 10h du matin, voilà. 10h, le cyclone est annoncé sur La Havane pour midi. Apparemment, tout le monde a l'air de s'affairer pour éviter le maximum de dégâts. Là, on est en train de déboucher les sorties d'eau de la terrasse. On enlève la bâche. Puis on attend, il y a une espèce d'ambiance un peu bizarre, un peu électrique. Là, hein, parce qu'à partir de midi, normalement, tout le monde devra rester enfermé. Le cyclone qui s'appelle Kate est, paraît-il, là, pas loin dans les faubourgs. Il arrive à une vitesse de 40 km/h. On a mis du papier collant sur les vitres, sans doute pour éviter qu'elle n'éclate sous la pression du vent. Enfin, apparemment, les gens ont l'air plutôt bien marcher dans la rue. Les bus fonctionnent encore. Le ciel est très très gris, il y a un gros nuage, le plafond est très très bas, il y a beaucoup de vent, il pleut de temps en temps, petite pluie fine. Ils viennent de finir la bâche, j'ai l'impression que le problème principal c'est d'arriver à dégager des sorties d'eau de la terrasse. Voilà, il y a l'échelle qui vient de tomber. Il y a une ambiance assez bizarre quand même, un peu, les gens sortent de l'hôtel pour regarder, pour attendre. Il est fort probable que d'ici à midi, on reste à l'intérieur de l'hôtel. Il fait quand même très très chaud, très humide. Mais la circulation continue. Pour l'instant, personne n'a l'air de s'inquiéter. Las lluvias pueden ser intensas en algunos puntos. En Matanzas han sido evacuadas miles de personas de las partes bajas. Precisamente de Matanzas tenemos una nota que dice que más de 10.000 personas fueron evacuadas de la provincia. Los consejos municipales de la Defensa Civil tienen controlada la situación, especialmente en los municipios Cárdenas, Colón y Matanzas. También en meteorología no descarta que el mar podrá penetrar en zonas bajas. Al teléfono tenemos al compañero Gustavo Borges, periodista de allá de Radio 26, que nos va a ofrecer lo último sobre el ciclón Kate en la provincia de Matanzas. Adelante, compañero Borges. Parece que hay problema con la comunicación. No está llegando. Mira, Borges, por favor, ¿tú podrías hablar un poquito más alto? Thank you. là, nous sommes, les rideaux ont l'air de vouloir s'en aller. Une ambiance assez amusante en tout cas. Les gens rient. Il y a beaucoup de vent. Et puis les gens attendent là, voilà. Il fait chaud, il fait très chaud en fait, on transpire. Tout le monde est mouillé. Oui, personne n'a l'air de s'inquiéter. Voilà. Des appareils photo quand même, les touristes qui n'ont jamais vu ça. Des personnes qui font la sieste là-bas dans les gros fauteuils, à l'abri à la fois du vent et de l'eau. Mais il y a de l'eau absolument partout, partout, partout. Et le cyclone n'est pas encore passé. Que le cyclone est bien arrivé, on s'aperçoit derrière un mur d'eau qui tombe. C'est, quand on dit c'est un ouragan chez nous, là, ça n'a vraiment rien à voir. C'est impressionnant. Il y a une carreau qui a cassé tout à l'heure, sans doute sous le choc d'un élément volant non identifié. Et là, tout le personnel est armé de balais, de seaux, de l'eau qui tombe, des escaliers qui montent aux étages. Et pousser avec ses balais jusqu'à la sortie. Et puis c'est un. Alors là, pour le coup, c'est sans jeu de mots un vrai balai de gens qui essayent d'évacuer l'eau. On va essayer de s'approcher de la porte là pour voir ce que ça donne. Le carreau qui a cassé tout à l'heure. Ah, l'eau a dépassé la hauteur, oula. L'eau a dépassé la hauteur des trottoirs pour arriver pratiquement on doit venir à 10 cm dans les cours maintenant, ou plus que ça. Moi, ouais, jusqu'au genou, au milieu de la route, on doit avoir de l'eau jusqu'à la hanche pratiquement. Avant que c'est rentré, c'est à la première marche d'un escalier qui monte dans l'école, voilà, tout en face. Les antennes de télévision ont l'air de tenir à peu près pour l'instant. On voit plus rien, on voit juste la maison en face et derrière on voit plus rien. Voilà, des rafales et des rafales considérables. On dirait une mer d'ailleurs. Ah, c'est un vrai torrent. Il y a des gens qui s'aventurent pour aller prendre des photos et les autres surveillent un peu. Parce qu'on peut se faire emporter là très facilement là. Voilà, une grande rafale là. Et l'eau de la mer doit se mélanger d'ailleurs avec l'eau de. J'ai jeté un œil. Hein. Là il est. Non, ils ont. Un pedazo de madera ou algo, non? Non, el aire. Ah, et l'air tourbillonne puisqu'on doit être pas très loin du centre du cyclone et c'est l'air là, on vient de me dire, c'est l'air qui a cassé la vitre. C'est la force du vent qui tourne et qui à un moment a fait éclater la vitre. Se terminó, se fue mi adolescencia, porque con mis cuatro bocas reafirmó mi conciencia. Le 20 novembre, la bonne humeur et la musique est revenue, bien sûr, malgré les deux morts et quelques disparus dans la capitale. Des dégâts très importants dans la plus grande partie du pays, notamment dans l'agriculture où, comme la canne à sucre, les arbres fruitiers ont subi de grandes pertes. De même, le réseau électrique endommagé à 70% dans la capitale, c'est un petit désastre. Au sortir, on peut constater de nombreux arbres déracinés, des fils électriques pendants, des vitres éclatées sous l'impact du vent. Et puis la mer qui a pénétré d'au moins 300 mètres dans la capitale a laissé en se retirant de la boue, des pierres et même des crabes. Des dégâts suffisamment importants en tout cas pour annuler le festival de Varadero où l'on attendait beaucoup de monde. Un coup dur pour nous bien sûr, mais aussi pour le directeur de Cubatour, Francisco Vidal. Realmente el huracán a nosotros nos ha afectado seriamente en las instalaciones turísticas. Fundamentalmente el huracán nos afectó en tres polos turísticos. Nos afectó en Varadero. Trois pôles touristiques affectés, c'était le pôle touristique de Varadero, La Havane et aussi la plage de l'Est. En ce qui concerne les affectations, on était au niveau des ressources électriques, l'eau, des dégâts dans les téléphones, aussi des bâtiments, les verres ont été cassés, les vitres ont été cassées. Mais vraiment, ça ne va pas affecter le développement normal du tourisme dans les mois de décembre, au début de l'année prochaine. Parce que déjà, par exemple, Varadero va rétablir tous les services à partir de demain. Aussi, les places de l'Est, après 3 jours, va commencer aussi à donner les mêmes services. Le tourisme va continuer à se développer normalement. À La Havane, il n'y a pas de problème. Tous les hôtels commencent à travailler normalement. Et seulement c'était des dégâts, les vitres qu'on était cassées à cause du vent. Pas de touristes blessés, pas de touristes morts. Et généralement, les mesures qu'a mis l'État, c'était très, très vite, efficace. On n'a pas eu de grands problèmes. En ce qui concerne les pertes qui a apporté le cyclone, ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, chaque ministère fait les comptes de quelles ont été les pertes pour eux. Par exemple, le ministère des Communications fait les comptes de ceux qui ils ont perdu. Le ministère de l'Électricité aussi. Le ministère du Tourisme a eu dans les installations approximativement une perte de 200 000 pesos environ. C'est pas beaucoup. Ou c'est beaucoup? C'est un quart de million, c'est respectable. Donc au calme après le 20 novembre, l'électricité est rétablie au bout de 2 jours et nous permet donc de nous laver parce que l'eau monte grâce à la force électrique dans les hôtels et puis d'assurer notre rendez-vous avec le deuxième aïeul de Nicolas Guillen, Papa Gérard. Papa Gérard, c'est un ancien instituteur, il est blanc celui-là et nous le retrouvons dans la vieille ville de La Havane toute rénovée. C'est un quartier qu'il connaît bien parce qu'il aide les touristes français et anglais à connaître mieux cette vieille ville. Papa Gérard, c'est presque un grand-père, c'est celui en tout cas de tous ceux qu'il rencontre, c'est le mien, c'est le vôtre. La Havane pour moi, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est ma maîtresse, c'est ma fille, c'est ma sœur. Elle est toute pour moi. Alors par exemple, cette statue que nous avons là, il était le premier espagnol, parce qu'à cette époque-là, la citoyenneté cubaine n'existait pas. Mm-hmm. Il était le premier qui nous a enseigné à penser en cubain. Oui. Lui, il était instituteur et après ça, professeur de philosophie et philosophe lui-même. Il a été incarcéré et après exilé aux États-Unis Mais lui, il avait dit que toutes ses souffrances, en honneur de la patrie, ça valait la peine. Alors la Havane, c'est la mère, c'est là. Alors ensuite, les autres, la sœur, la fille, la maîtresse, ah, où est-ce qu'on la voit là? Partout, je la vois partout. Par exemple, je m'assis ici dans un parc, je vois une jeune mère avec ses enfants. Alors je pense à ma femme, ou même je pense à moi quand j'étais petit. Puis c'est la première fois que je suis arrivé à la Havane, je me souviens la date et l'année. Le 24 août 1925. Enfin, moi, c'était ma naissance à la Havane. Et c'est difficile aujourd'hui de trouver un Havanais à la Havane. Et ici, tu trouves des personnalités que tu ne peux pas soupçonner qui aillent visiter la Havane. Par exemple? Oh, par exemple, je peux te dire, j'ai pris des notes. Vas-y. Oui, par exemple, je peux te dire que la machine à vapeur, ouais, les grandes inventions, le double effet perfectionné par l'ingénieur Watt, ouais, à 1792, elle s'est trouvée 4 ans plus tard ici à La Havane. La capitale de Cuba, elle était la 4e dans le monde à établir le système de chemin de fer, 1837. La 3e a disposé de lampadaires à gaz. C'est bien dit ça? Oui, oui, des réverbères. Réverbères à gaz. Morse, tu as entendu parler de Morse? Bien sûr, ben, les transmissions. Il a commencé sa campagne afin de diffuser son système télégraphique. Et déjà, la Havane a des grandes extensions de lignes télégraphiques. Le téléphone, il arrive avec son inventeur. Belle? Belle, oui. En plus, le système téléphonique automatique, c'était ici qu'on a pris la ville de la Havane comme échantillon pour voir les possibilités économiques et bien sûr politiques. Et voilà que la Havane était le premier échantillon pour le service téléphonique automatique. Marconi, tu as entendu parler de Marconi? Oui, oui. Marconi en personne, il a inauguré à la Havane la première station de TSF ou radio. Quel est le correct? Radio maintenant. Oui. Radio maintenant, TSF à son époque. Et après, 6 mois après d'être exposé en Paris, le cinéma, tu as entendu parler des Frères Lumière. Frères Lumière. Alors, 6 mois après, la Havane recevait déjà le cinéma. Alors, tu vois, tous les contacts que nous avons avec la France, ouais. Oh, j'en ai pas mal de Français. Par exemple, le sieur de... Le sieur, le père du Canada. Le sieur Cartier? De... Non, l'autre. L'autre. L'autre. L'avenir. Il visita la Havane exactement à l'année 1600. Il était le premier à dire que l'ananas était la reine de fruits tropicales. Nous sommes dans la Havane de José Martí, notre héros national. C'est la Havane de Carpentier, Alejo Carpentier. Oui, bien sûr. Mais par ici, nous avons reçu la visite du baron von Humboldt, de Einstein, Sarah Bernard, Garibaldi, le sieur de Champlain, déjà mentionné, le moine d'Iberville, Juan Ramon Jiménez, Winston Churchill. Il était observateur militaire lors de la guerre d'indépendance contre l'Espagne. Ah oui? Oui. Garcia Lorca, Antonin Artaud, Mayakovsky, Isadora Duncan, Fanny Elsler, la ballerina autrichienne, André Breton, Caruso, Simón Bolívar, Benito Juárez, Francisco de Miranda, Valle Inclán, Igor Stravinsky. Alors, pas mal de personnalités. Ça, c'est ça la maîtresse, là? Et ça, c'est la maîtresse, oui. Elle se donne à tous, mais en même temps, elle reste cubaine. Elle reste amoureuse. Ouais. Tu comprends? Papa Gérard, c'est un vieux romantique. Cada vez que tengo a mi lado. Cada vez me enamoro de ti. Cada vez que te veo en mis sueños. Cada vez que suspiro por ti. El dolor de mis horas de bruma. Cada vez se aleja más de mí. Y es que estoy enamorándome. Y es que estoy enamorándome de ti. De ti. De ti. De ti. Cada vez que se asoma la luna. Cada vez la noche no estás, pienso en ti y en las horas felices que mi amor te pudiera brindar. Cada vez que una flor se consume, cada vez que te lo Romantique aussi le trio Cubana qui fête ces jours-ci 40 ans de chansons en commun. Et malgré leur âge déjà avancé, ils n'ont rien perdu, vous avez pu le constater, de leur voix, mais aussi de leur séduction. Eliane Millot, notre chargée de réalisation, peut le confirmer. C'est au Floridita que ces trios Cubana chantent. Un restaurant tout tendu de velours rouge avec de grands tableaux qui évoquent le port de la Havane au temps de la colonisation. Un lieu où on vient pour boire un coup, pour se rassembler, pour parler, comme le faisait d'ailleurs Hemingway devant un daiquiri. Un lieu donc pour les artistes, un lieu qui peut être aussi défini comme la maîtresse de Papa Gérard, mais aussi de Narciso Sotolongo, notre hôte ce jour-ci, à une table un peu à l'écart dans le Floridita. Bon, on voit, comme vous savez, le Floridita, c'est le restaurant plus connu à La Havane, où il passe presque tous les touristes qui viennent à Cuba. Par exemple, c'était l'endroit préféré par Hemingway pour boire les daiquiri, un des cocktails qu'on prépare avec du rhum cubain, des citrons et aussi de la glace. C'est un endroit célèbre où ils sont passés aussi des grandes personnalités. Et maintenant, on garde cette tradition de fruits de mer et aussi de l'ambiance, toujours avec la musique. Ouais. Aujourd'hui, nous accompagne dans cet endroit le trio Taïcuba, qui est un des plus connus trios de Cuba, qui sont amenés leur musique par tous les endroits du monde. Ouais. En France, par exemple, on était déjà 4 fois. Ils ont participé dans les différentes activités, manifestations. C'est un endroit, on pourrait le décrire, parce qu'il est, vous l'avez conservé comme il était, c'est-à-dire ah, oui. Avec des peintures au mur. Oui, comme vous voyez, il y a une toile qui représente les ports, l'ancien port de La Havane, comme il était à l'époque. Avec, l'époque de la colonie, là, l'époque ouais. De la colonie. Et aussi la décoration, c'était toujours gardé, même ça, on l'a fait des rénovations, mais ah. Toujours on a gardé la... C'est de la moquette rouge, des chaises de velours rouge, des tentures crème jaune au mur, c'est très chaud comme endroit. Et bon, il y a quand même beaucoup de monde, mais c'est plutôt des touristes en général. Oh bon, ils viennent aussi des Cubains. Ouais. Les principaux clients de cet endroit, c'est les Cubains. Mais comme les Floridita, c'est pas seulement connu à Cuba, tout le monde qui arrive comme touriste veut connaître l'intérieur. C'est un peu comme la Closerie des Lilas, comme Hemingway, il venait aussi. Oui. Voilà. Et Hemingway avait deux endroits préférés à Cuba, c'était la Floridita et la Bodeguita del Medio. la bodeguita del medio, c'était l'endroit où ils venaient pour boire les mojitos et de manger les repas créoles. Et ici, c'est l'endroit où ils venaient pour boire les daiquiris et manger les fruits de mer. Il existe une phrase célèbre de Hemingway qui disait « Mon mojito à la bodeguita, mon daiquiri au Floridita ». En espagnol, ils disaient ça comment? Alors, avec l'accent américain. Mi mojito en la bodeguita, mi daiquiri en el Floridita. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait aussi d'autres personnages célèbres qui venaient ici. C'était l'endroit des intellectuels. Des personnalités comme des intellectuels surtout, des grands écrivains cubains comme Alejo Carpentier, Alicia Alonso, la grande danseuse cubaine, même les poètes nationaux Guillén. Sont visités cet endroit. Il vient aussi souvent. Hein. Maintenant encore, oui. C'est resté un endroit où il y a les écrivains, où il y a les artistes qui viennent. C'est ça. Ça a gardé un peu la tradition. C'est un endroit de rencontres, de discussions, de polémiques. Alors je crois qu'on va prendre la commande là. Oui. Je vous laisse faire. Donc c'est 4 cocktails de camarones. De cangrejo, perdón. 4 cócteles de cangrejo. Porque hay 4 langostas enchiladas, rebozadas. Una botella de vino blanco. Y ensalada. 4 ensaladas mixtas. Floridita, ce n'est pas un endroit surfait pour touristes, comme on dit. Et la cuisine qu'on y mange n'est pas surfaite non plus. Il faut dire que la cuisine est une tradition à Cuba, et nous avons pu le constater en pleine campagne à 20 km de la Havane, en compagnie d'un grand chef, Gilberto Smith Duquesne, un jovial cubain, qui nous a accueillis devant un superbe plateau de fromage. Monsieur journaliste, c'est le fromage que c'est à faire à Cuba. Toute la variété de fromage, l'ingénieur qui l'a fait, elle apprend dans la France. Ah, c'est du fromage cubain ? Cubain, totalement cubain. Ah, ça ressemble beaucoup à un peu d'autres fromages qu'on trouve en Europe. Là. C'est le bleu que vous connaissez, oui. Le camembert, que c'est égal. Je crois que c'est comme ça. Le camembert de Cuba et de la France, c'est pareil. Ah bon. La même chose. Hein. Pas goûté. Hein. Hein. Après vous goûterez vous à tous. Hein. C'est les. Comment je les appelle ici ? C'est différents fromages qui ont fait ça. Non c'est du fromage blanc. Naranja, orange. Orange. Oui. Lemon. Au citron. Lemon, citron. Vigna. Des ananas. L'ananas. Et avec du rhum même. Rhum. Uh-huh. Crème de rhum. C'est là, la même chose. C'est la même chose. C'est différent. C'est une création de Cuba. Oui. Quel est le que tu as préparé? Mojito. Mm-hmm. Hein? Et vous dégoûtez les mojitos? Oui, bien sûr. C'est le barman spécial du barman. Pour moi, c'est de lo meilleur de Cuba. Hein? Ça. Ah, alors là, c'est... Spécial dessert de la campagne. Alors, qu'est-ce que c'est? Spécial dessert de la campagne. C'est cucurucho. ¿Cómo? El nombre es cucurucho, ¿no? Cucurucho. S'appelle cucurucho. Es un peu doux, pero es formidable. Ça se présente comment là, avec comme des... ça, comme non, ça, comme oui, ça. Et après vous, des... c'est dans des feuilles là. C'est de la comment ça s'appelle? De la canne à sucre. De la canne à sucre. Raspadura, non, pour con coco. Sí, la couverture est. La couverture est. Comment se llama? Feuille de palmier. Palmier, ouais. Sí. Yagua, yagua. Uh-huh. C'est la couverture de la flor de palmier. Et dedans c'est du sucrerie alors. Comme raspadura, de la canne de sucre. Oui. La mélasse. La con mélasse, coco, hein. Coconut, etc. C'est buñuelos. Ah, c'est de la campagne. Oui. Les desserts de la campagne. Alors ça c'est comme des beignets là alors. C'est pareil. Ouais. C'est pareil. Ça c'est fait avec le manioc. Mm. C'est fait avec du manioc ça. Le manioc. C'est pareil. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne me recuerdo. C'est cacao con coco, non? C'est cacao, chocolat et coconut. Mm-hmm. Et là, c'est comme du nougat ou du turron? C'est comme un turron, mais mm-hmm. C'est des produits de Cuba. C'est la grillade. Comment est-ce, hermano? Comment est-ce? C'est la grillade de toutes les choses de l'estilo de Cuba. Comment faire le petit cochon? C'est pareil, le petit cochon de cochon du lait, vous savez, oui. Mm-hmm. En anual. Mm-hmm. C'est roast beef, oui. De ces moutons. Ça sent bon, hein? C'est formidable, vous verrez après. L'autre chose, comme vous savez, c'est tout. Tous les assiettes, c'est rustique. Rustique. La campagne, les hommes de la campagne, avant de la révolution, tous les hommes mangent en l'assiette rustique. La yagua. La yagua. Ça s'appelle yagua. C'est du bon goût. C'est bien, c'est pareil à bambou. Oui. C'est la yagua de la palma, de la palma, la palmière, ah. La palmière. Mais alors, je ne veux pas de langouste. Après, la langouste sera demain en Varadero. La langouste sera demain en Varadero. Une grande table de langouste, crevettes, tous les fruits de mer, tous les fruits de mer. Dites-moi, attention. Dites-moi, vous me... C'est possible que demain vous partiez à Varadero? Ah non, malheureusement pas. Ah, oh, mais... c'est formidable. Ah, oh, que perdu vous. Otra vez sera. Mm-hmm. Mais c'est Varadero, beaucoup de langoustes, crevettes, ostiones, tous les fruits de mer de Cuba. Une grande exposition. Vous m'avez dit en arrivant que vous faisiez de la publicité en France pour la langouste de Cuba. Et c'est bien, il a fait une bonne promotion. L'année prochaine, j'ai parti en février. Ouais. J'ai parti à la France. Beaucoup de promotions à Dieppe, oui. La Bretagne, oui. La compétition de la langouste de la Bretagne, oui. Le mar de la Bretagne et la langouste de Cuba. No? La langouste entière, que c'est différent à le mar. La langouste entière, c'est différent. C'est un produit nouveau qui a fait à Cuba. Quiere dire, la langouste entière, cru. Mais après cook, non, sinon cru. Oui. Totalement, con l'antenne. Oui. No? La langouste entière, c'est un produit nouveau. C'est formidable. La France, vous savez bien, vous le savez, non? Oui, bien sûr. Je suis le grand-père de moi français. Mais si, je suis Smith Duquesne. Le grand-père de moi français. Ah, c'est pour ça que vous êtes allé à Dieppe. Parce que Duquesne. Duquesne, c'est le de Dieppe. Oui. Et donc, le grand-père est cuisinier français. Ouais. Le grand-père. Il aime la France comme Cuba. Hein? Alors, dites-moi ce que vous avez dit à la télévision française, là, pour vanter. Mais oui, je dis toujours à la télévision française. Nous sommes assez fiers de ces produits de grande qualité de luxe que nous arrivons à exporter à des prix défiant toute concurrence. La langouste de Cuba cette année, on n'y résiste pas. C'est bien? Ah oui. Música de ambiente, lleno de alegría. Esto es diferente, con ritmo y melodía. Música de ambiente, lleno de alegría. Esto es diferente, con ritmo y melodía. Con los bambines. Para gozar, escúchenlo. Para estudiar, óyelo bien. We'll be right back. escúchenlo. Papín. Dites-moi, papa Gerardo, la... papa Gérard, on va dire en français. Il manque plus que savoir où est la fille. La Havane, votre fille. Ma fille. Regarde ça. Elle n'est pas mignonne. Quand je vois cette petite fille là-bas, avec sa mère ou même avec sa grand-mère, je la vois dans son uniforme. Je vois qu'elle va à l'école, qu'elle a le droit à l'éducation, qu'elle a la santé, qu'elle ne va pas mourir mangée par les parasites comme moi j'ai connu à mon époque. J'étais instituteur et je me souviens que même il n'y avait pas de meubles pour mes élèves. Pendant 2-3 mois, je ne recevais pas mon traitement, mon salaire. Et quand je vois ça, les enfants à l'entrée, à la sortie de l'école, voilà la Havane, ma fille. Je te parle maintenant, j'ai les larmes aussi. Je suis un vieux romantique. Mais je reste toujours instituteur, tu vois. Et n'importe dans quel pays que je visite, je vois les enfants. Maintenant, aujourd'hui, j'ai 4 petits-fils. 2 petites-filles et 2 petits-fils. Et quand je pense toutes les choses que j'ai vécues, des enfants qui ont été perdus dans le vice, dans la prostitution, dans le jeu, sans une seule opportunité, combien de cerveaux, combien d'intelligence nous avons perdu comme ça, par manque d'école, par manque d'instituteurs. Tu comprends pourquoi je suis un vieux romantique? Voilà ma fille. Toutes les filles de la Havane, elles sont mes filles. Et tous les petits garçons sont mes enfants aussi. Je dois. Mais n'importe où je voyage, la première chose que je regarde, ce sont les écoles. Et c'est pour ça que le jour où je visiterai ton pays, la première chose que je te demanderai de visiter, c'est une école primaire. Tu comprends pourquoi, ma fille? Merci. C'est avec le trio Tai Cuba et non pas Cubana, comme j'ai dit tout à l'heure, que s'achève avec la Noche Cubana cette émission. Juste un mot pour vous dire que c'est vrai que ces enfants que nous a décrits Papa Gérard ont une bonne santé, ils ont des joues bien rondes et c'est un grand problème résolu par la révolution socialiste. Mais pour autant, les problèmes des jeunes sont-ils par la même résolus? Sûrement pas. Et pour mieux connaître la vie de ceux qui sont nés après le triomphe de la Révolution, comme on dit à la Havane, eh bien, je vous donne rendez-vous samedi 4 janvier 1986, un grand angle consacré aux jeunes cubains d'aujourd'hui. Pour terminer, pour être complet, pour ceux qui aimeraient aller cet hiver, par exemple, se réchauffer au soleil des Antilles cubaines, voilà quelques renseignements un peu en vrac. D'abord, il vous faudra 13 heures d'avion pour arriver à la Havane. Il vous faudra prendre un avion à Paris. C'est un vol par semaine par la compagnie Cubana, la compagnie cubaine. 12 heures d'avion avec escale à l'aller à Gander, à Terre-Neuve. Il y fait froid, attention. Et retour à Madrid, il y fait froid aussi. Quand vous arrivez là-bas, le mieux, c'est peut-être de prendre une voiture en location. On peut louer des voitures sans chauffeur. Sachez qu'elles sont toutes identiques et qu'elles portent une plaque rouge. Comme ça, vous pouvez tout de suite repérer. C'est-à-dire qu'on fait bien la différence. Les hôtels sont relativement confortables. Ils ont été laissés par les Américains au moment de la Révolution. Il y en a un peu tout le long du Malecon. C'est la grande artère bordant la mer. Et puis, que vous dire en plus ? Eh bien que tout se paye en dollars là-bas. Et que vous avez intérêt d'ailleurs à acheter votre rhum et votre tabac, vos cigares en dollars, car ils sont moins chers qu'en pesos. Et que le peso, eh bien, il est plus fort que le dollar au cours officiel. Je n'en dirai pas plus. Voilà, et bien pour tous ces renseignements, sachez quand même qu'il n'y a pas tous les jours des cyclones et que celui que nous avons vécu, eh bien on n'en avait pas vu de pareil depuis 40 ans. Bueno, sabroso, vamos a comer un chivo en Camagüey, en casa de Rosa Saya, pero con un sabor cubano que... El chivo que está en el patio se ha puesto viejo y quiere que su pellejo lo haga el tambor para formar un rumbo y así poder demostrar que el cuero para un buen son es que se aprovecha más. Chivo quiere que le den candela. C'était L'échappée belle, un reportage à Cuba proposé par Yves Laplume, réalisé par Eliane Millot et diffusé pour la première fois sur France Culture le 29 novembre 1985. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibiwa ze Mauka na muyo Kairi hana Inrupia Jana halawa Maudu kajaja Leonde ulio Maudu kajaja. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Dalio wa Hanza o Wasi Hendro Wuti wa hukumu Hata Diwaza zetabu Waona Eshelea Zenjema Zahao Wakubali leo tilinde maudu. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. The one far from home. The one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand. Come Hanzo, I know that you know. Come Hanzo, I know that you know. Timbi hoto zamba daima bainu dunia. Izo kweli mahabba